sambwa sekele nde poumon ya mon Christ. Respiration à moi l'anzambe, c'est la prière. Avant ton go etana, asala kyo matana ngomba, kobondela na sekele o, kobondela na mkukue. Tango ko kitana jone, talabika mwa bengolu, eso tambola na ye o, talalosa mwa sekele. See you.